Bienvenue à la troisième émission de Laval Fans Radio qui continue à se poursuivre. Merci à Laval. Merci à Laval de gagner. Ça fait qu'on continue tout le temps notre expérience. Je ne sais plus si on parle vraiment d'une expérience. Rendez-vous hebdomadaire. Le petit rendez-vous hebdomadaire où on parle de Laval. C'est une raison de boire de la bière. Bon. Moi, je pensais qu'on voulait avoir l'air d'une émission classe. Mais oui, on boit de la bière. On est comme très, très peu. On n'a pas les moyens de tout le monde en parle. Nous autres, on est juste à la bière. Je veux saluer Beau, comme toujours. Salut. Beau qui est présent encore aujourd'hui. Charles-Éric. Yes, bon, ou Charlie. Charlie, aussi. je sais, des formations. Hein. Charlie, à ma droite aujourd'hui. Salut. Qui en fait a pris le siège de Mathieu Leblanc, qui aujourd'hui, ben, dans le fond, hein, il va nous écouter à partir de la maison, puisqu'il se repose de son opération. Nous vous souhaitons tous en cœur prompt rétablissement. Bon, je m'attendais à un gros prompt rétablissement. Non, mais prends soin de toi, Mathieu. Oui, pis, oui. Ta chaise n'est pas facile à remplir. Pourtant, tu as du poids pour le faire. Puis aujourd'hui, la nouvelle addition dans le studio directement, ben, c'est David. Bonjour, David. Bonjour, moi j'ai une petite salutation sonore. Oh! Yes! Non. On peut plus rien cacher. Là, c'est vrai. Bon, faudrait Salut. Pas abuser des bonnes choses. Cette semaine, bien, évidemment, ça a été toute qu'une semaine, autant pour le Rouge et Or que pour Laval Fans. On prend la peine d'en parler un petit peu parce que c'est vrai que pour nous autres, ça a été un peu particulier. Ça a commencé dimanche avec l'émission de Cheese. Samedi. Hey. Hey. Oui, samedi avec l'émission de Cheese où on s'est ramassé. Moi et Charlie à Chiz vers 11h10, 11h15. Effectivement. Oui, on est allé faire un tour. Merci beaucoup à Louis Simon qui nous a invités à venir faire un tour. Et Pierre Blais aussi qui fait partie de l'équipe. Fred, on a rencontré aussi leurs deux analystes, M. Lantier, M. Abraham, deux anciens du Roger Art. Je pense que ça a été un beau petit 10-15 minutes sympathique avec les gars. Oui, un beau 10 minutes. Puis je dirais que j'ai bien trippé sur leur installation. Ils ont une méchante belle vue pour regarder la game. Ils ont une fichue de belle vue. Les gars sont bien installés, franchement. Puis je trouve qu'ils font une très belle job. Oui, aussi, ils font vraiment une bonne job. Bravo, les gars. Lâchez pas. L'autre chose, bien évidemment, les gens vont nous avoir vus aussi à TVA. Parce qu'on est passé à TVA. Papa s'est déguisé, lui aussi, en diable. On a profité pour faire un trip familial. Tout le monde ensemble pendant le bulletin de nouvelles. On a eu aussi parlé de nous sur le réseau Canoë. Là, où vraiment on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Laval Fans. Et bien sûr, Charlie, je laisse le soin de dire, en fait, on a gagné un concours. Yes! Yes, on a gagné un gros concours. Donc, on est certain là, d'être à la Coupe Vanier. Vienne que pourra pour Laval. Nous, c'est sûr qu'on est là. On espère qu'évidemment, Laval va être là aussi. Mais notre trip est garanti là-bas. On va s'amuser. On va être là, évidemment, pour la Coupe Vanier, mais aussi, ben on a un petit plus là au travers, là, une petite addition à la Coupe Vanier pour nous faire passer le temps qu'on va être là. Ben, ils nous invitent aussi à la Coupe Grey sur le bras de la princesse. Sur le bras de la princesse. Puis c'est drôle, hein? Avant l'émission, j'ai dit à tout le monde de faire attention à leur français, de bien parler. Depuis tantôt, je me rends compte que j'ai jamais dit autant de mots en anglais, je pense, en 5 minutes de toute ma vie. Oui, depuis tantôt que tu dis chunky, c'est... Chunky, trip. La soupe, gros morceau. J'arrête plus. Alors, on va faire un beau voyage à Toronto. Évidemment, je parle de Laval Fans, mais la chose qui fait qu'aujourd'hui, on est encore ici présentement, tous réunis ensemble, c'est bien sûr le fait que Laval a encore une fois gagné. Moi, dans ce que je dirais, qui est une partie qui s'est pas passée comme je l'attendais, je m'attendais à beaucoup plus de positions de Concordia. Je sais pas, Beau, toi, qu'est-ce que t'en penses, mais moi, je la voyais pas comme ça. Écoute, l'opposition de Concordia, moi, je trouve qu'elle a été là quand même, là, mais quand même assez discrète. Moi, je dirais très discrète. Très discrète. Bon, écoute, c'était 17 à 3 à la demi. Puis, bon, ils sont venus tout de suite avec un toucher. Mais effectivement, il n'y a pas eu tant d'opposition. Mais la seule personne qui aurait pu faire mal à Laval, c'était leur corps, Liam Mahoney. On peut quand même dire que c'est le seul qui a joué un très bon match. Il a fait un bon match. Puis c'est drôle, parce que tu as parlé du toucher au retour de la demi. puis je peux pas faire autrement que de le dire, mais il y avait quelqu'un avec qui j'ai regardé la game qui lui prenait la peine d'appeler ça le toucher de courtoisie de Laval. Merci d'être venu. Oh, oui. Comme un prix de présence. Il faut être gentil. Mais ça a été peut-être le meilleur instant de gloire de Concordia. Charlie, toi, de ton point de vue, un peu dans le même, t'abondes dans le même sens. Oh, absolument. Ou... Puis écoute, moi, en tout cas, j'en parlais avec beaucoup de gens après la partie. Puis Liam Mahoney, watchez-le arriver parce que, écoute, c'est tout un corps arrière. J'ai bien hâte de le voir faire un peu plus de passes, mais à le voir se déplacer, la mobilité, ses capacités physiques que ce gars-là a, une fois qu'il va avoir le compas dans l'œil, là, ouch, ce gars-là va faire des dégâts. Franchement, là, j'ai bien hâte de le voir évoluer. Puis c'était aussi dans son attitude, excuse-moi David, oui. Non, en fait, je veux juste dire que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup, et du caractère, mais du, en bon français, encore une fois, il y avait du guts. Effectivement, il a pas lâché du match, là, puis il a toujours été présent, puis intensif, puis il m'a vraiment impressionné. Puis, mais je suis d'accord avec Charlie quand il dit qu'il faut le surveiller, ce corps arrière-là, il va être vraiment bon. Il ne faut pas oublier que Concordia a perdu beaucoup de bons joueurs par rapport à l'an passé. C'est une équipe qui est en train de remonter la pente tranquillement, qui part de pas si loin finalement. Oui. Ils sont deuxième dans la ligue. Les gars, je pense que les gars de Concordia s'ennuient des frères Donovan, là, qui ont fait la pluie et le beau temps en défensive. Ces gars-là, c'était leur manque énormément. C'était l'époque de Concordia. Toi, David, je te vois lever la main. Je sens que tu as quelque chose à dire sur la game. Moi, je donnerais plus de crédit à Concordia que ça, là, surtout. J'ajouterais que quand Laval sort leur A-game, ils sont pas arrêtables. Si ça clique, peu importe ce que l'opposition met en avant d'eux, quand ça clique, ils sont pas arrêtables. Puis je veux pas donner trop de confiance par des propos comme ça parce que ça reste que ça peut être toute autre allure de match contre St. Mary's, là, mais il reste que Concordia, tant qu'à moi, on s'en sortit fort dans ce match-là, mais peu importe ce que le score indique, j'ai trouvé une bonne performance, en particulier de la défensive. À l'attaque, j'ai trouvé que on a beaucoup, beaucoup abusé de l'option. On dirait qu'il y avait trois jeux dans le playbook de Concordia. C'était l'option remise au fullback, remise au halfback ou l'option au corps. Là, c'était à peu près rien que ça, ce qu'on a vu en attaque. Moi, c'est l'élément qui m'a un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup plus, justement, de Concordia parce que connaissant Jerry McGrath, je me disais, c'est évident qu'il va avoir préparé des choses particulières. Il va être prêt, j'irais, à s'ajuster à peu près à tout de Laval. Je ne l'ai pas senti du tout. Je me rappelle une situation qui était 2 et 15, je pense. Là, je ne peux pas le dire exactement. Puis Jerry, il a callé un draw play, un jeu d'attirer qui a gagné 3 verges. Tu sais, veut pas, puis l'équipe perdait déjà par une dizaine ou une douzaine de points rendus là. À un moment donné, il faut que tu sois un peu plus agressif sur l'appel des jeux. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui se passent. Mais David parlait que le score ne reflétait pas l'allure du match. Effectivement, si on regarde les statistiques, Concordia est quand même allé chercher 314 verges de gain contre 375 pour Laval. Ils ont réussi à faire quelque chose de bien tout le long de la partie. Ils n'ont juste pas réussi à capitaliser sur leur chance de marquer. Je me rappelle d'énormément de turnovers, de revirements proches de la zone des buts, des turnovers qui coûtent le plus cher. Excuse, tantôt on t'a coupé, mais t'allais dire quelque chose par rapport je à... Je sais plus ce que j'allais dire. Tu sais plus, mais écoute... Mais, ben, regarde, pendant que je pense à quelque chose, je trouve justement, je suis d'accord avec ce que tu disais, parce que s'il y avait quoi que j'avais à dire contre Concordia, que j'ai trouvé que Concordia avait moins bien joué, c'était justement la tactique de jeu, parce que je trouve Moi, je la discréditerais. Excuse-moi, je ne suis pas d'accord, parce que dans le fond, le jeu d'options ou l'utilisation du jeu d'options par Concordia, ça marchait. Ils gagnaient 8 diverges à tous les jeux. Ils allaient chercher des premiers jeux, ils avançaient sur le terrain. Ils ont fait des erreurs, des revirements coûteux. Oui, mais quand tu es au troisième quart puis que ta course au centre n'a pas fonctionné du premier puis du deuxième quart, vas-y pas encore. Essaye pas d'établir ton jeu au sol contre Laval, ça marche pas. OK? Puis Concordia l'essayait encore. Premier jeu, on essaye une course au centre. Ouais. On arrive avec une perte d'une verge. Bon, on est deuxième et 11. On se met en situation critique au deuxième essai, puis on se force quasiment à ouvrir le jeu puis de botter, dégager au troisième. Je trouve que c'est une tactique que j'ai trouvée un petit peu déplorable. Là. Je trouve que ça manquait d'originalité. Puis c'était prévisible, finalement. Là. Mais je pense que d'un commun accord, en tout cas, peut-être David, tu vas être content. Non, mais moi, j'ai été quand même un peu déçu dans la mesure où je m'attendais à un match qui allait être plus relevé, plus serré, évidemment. Puis je dis pas ça parce que je veux déprécier le travail et de Concordia et de Laval. Laval a été tellement... Ben, en tout cas, moi, j'ai envie de dire presque impeccable. J'essaie de... Ah oui, peut-être ça. Que vous allez me dire qu'il y a des choses que Laval a mal fait, mais j'ai vraiment de la misère à trouver quoi que ce soit. J'ai trouvé que ça a été parfait sur tous les aspects du jeu. C'est ça. Quand Laval sort, quand ça clique, il n'y a personne qui est capable parfait. De les arrêter. Puis aussi, Laval a été spectaculaire, tandis que Concordia est extrêmement basic. Conservateur. Exactement. Conservateur. Ouais, exactement. Pas faire d'erreur. Pas donner le match à l'autre équipe, ouais. mais Laval, tu sais, de leur côté. Des fois, on voit souvent ça en Coupe Vanier, des deux équipes qui s'étudient, qui ne sont jamais affrontées. Puis là, ben c'est du ground game, puis on est conservateur parce qu'on veut pas donner le match à l'autre équipe. Puis je me rappelle la Coupe Vanier 2003 à Toronto. Oui. Yes. Il a fini 14-7 et la première demi, il ne s'était absolument rien passé. Passait, puis ouais. C'est exactement ça. Là. C'est... Les gars veulent pas faire d'erreur. Mais ils vont avec du jeu de base. Oui, mais il y a une chose, entre autres, dans cette partie-là qui m'a frappé, mais je pense qu'encore là, d'un commun accord, ça a frappé un peu tout le monde. C'est le travail de la ligne offensive. De Laval. Puis même, je dirais, évidemment, les deux fronts, le front défensif autant que le front, la ligne en tant que telle. Et la O-line a réussi, la ligne offensive a réussi à ouvrir le jeu énormément. Là. Les courses, écoute, Pierre-Luc avait des autoroutes tout à fait extraordinaires. Et je dois avouer aussi, Pierre-Luc a eu le titre de joueur du match. Et c'était pleinement mérité. Et c'était, écoute... Franchement, Pierre-Luc Yao, il a été blessé un peu durant la saison. Il était pas toujours à son maximum. Mais franchement, Pierre-Luc Yao, là, je pense qu'on a revu le Pierre-Luc des belles années de Pierre-Luc. C'est Pierre-Luc qui était partout sur le terrain, n'importe quoi qu'il faisait, il courait, attrapait des passes. Hey, c'était épouvantable. Mais, en fait, je pense que c'était vraiment. Moi, je pense que c'était sa meilleure performance de l'année. Peut-être, oui. Je sais pas dans les chiffres en tant que tel. Mais au niveau de sa présence sur le terrain, parce qu'il y a eu deux touchés par la course et un touché par la passe, je veux dire, Yao, je ne sais pas, il y a eu combien de passes d'attraper cette année, mais je sais que déjà dans le match contre les Carabins, il était nerveux sur sa première passe qu'il avait reçue. À la dernière game, ça n'a pas été le cas du tout. Là. Il n'a pas joué comme un gars nerveux ou quoi que ce soit. Là. Au contraire, il est en pleine possession de ses moyens. J'ai l'impression qu'il voulait bien finir ses jours devant ses fans, puis il voulait dire... Regardez, là, vous ne m'oublierez pas pour le reste de vos jours. Vraiment, Yao était extraordinaire. Je ne veux pas diverger ou on pourra revenir là-dessus, mais tu comparerais-tu la carrière de Yao à la carrière de Mathieu Bertrand, par exemple, à Laval? J'ai beaucoup aimé le fait, ça a presque été un silence. On peut en revenir, peut revenir plus tard là-dessus. Mais ça, c'est le genre d'affaire, par exemple, qui va être intéressant à débattre à un moment donné pour justement essayer de voir quels ont été les différents impacts. Oui. Mais c'est... Non, en fait, on n'embarquera pas trop là-dessus. On va rester dans le match. Okay. J'aurais tellement de choses à dire, mais... Mais je veux quand même que souligner un point, parce que tu parles de la qualité d'Yao. Ce que j'ai adoré d'Yao, c'est à la toute fin du match, justement, quand on a commencé à faire l'hommage pour ceux qui complétaient leur saison. Yao, c'est un gars discret. Mais cette fois-ci, là, je l'ai senti à quel point il était fier et tout. Il s'est tourné et il a ramassé le drapeau de l'Université Laval. Puis je dirais, autant pour lui, ça a dû être un moment particulier, mais pour la foule aussi, parce que peu importe, c'est que quand on acclame un joueur, c'est rare qu'on en ait autant en retour. Moi, j'ai trouvé qu'Yao avait été presque un entertainer. En tout cas, moi, j'ai senti un instant magique. Je ne sais pas pour les Il y avait Miguel Rebellion. Mais tu étais peut-être un peu plus loin. De l'autre côté, je peux pas répondre à ça. Mais je me souviens du dernier match de Mathieu Bertrand où on n'avait pas eu un contact. Ben, oui, il y avait eu un contact avec la foule, mais disons que là, j'ai trouvé ça particulier. Il est généreux. Il était généreux. Vraiment généreux pour un gars qui est réservé, il est discret. Là. Carlotte, t'étais pas loin, toi. Moi, j'étais tout près de Pierre-Luc. Écoute, l'émotion se sentait, ça se lisait dans les visages. Là. C'était assez incroyable. Puis, le fait, tu parlais, il y a eu peu de joueurs qui prenaient le drapeau comme ça. Miguel Robédé le faisait à peu près à chaque match. Là, oui. Ou à peu près à chaque touché. Mais Miguel était en donnait beaucoup. Mais Pierre-Luc, justement, un gars qui était hyper réservé, qui normalement donnait pas beaucoup d'entrevues non plus à RDS durant les matchs. Là, il en a donné une en fin de match. Il a vraiment salué la foule de belle façon, là, en un peu s'inclinant devant la foule, puis en disant merci beaucoup. Non, Pierre-Luc, franchement, je pense que, premièrement, son match a été exceptionnel, puis je pense que l'accueil de la foule aussi, encore une fois, a été aussi exceptionnel, là, mais je pense que les fans de Laval envers les joueurs qui ont toujours donné du bon spectacle, que ce soit des équipes adverses ou de l'équipe, de son équipe aussi, a toujours été extrêmement généreuse là, dans les salutations. Je me souviens de Phil Côté qui avait eu une ovation extraordinaire là, à la Jean-Michel Paquette. Jean-Michel Paquette. Jean-Michel Paquette aussi, oui. Qui en avait pleuré même. Puis, sans trop qu'on étire là-dessus, merci. Je veux parler encore par rapport à la game. Durant la partie, évidemment, il y a la performance de César Sanchez. Je pense que les chiffres, c'est quoi? C'est 19 en 24. 241 verges par la passe. Touché. Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais le score aussi, le pointage parle aussi par lui-même. Là. César a été encore une fois extraordinaire, rapide. Franchement, on a un Moses de bon backup. Et là, regarde, tenons-nous-le pour dire, là, appelons-le plus backup. Présentement, c'est notre corps numéro un. Ah, oui. Et quand Benoît sera en santé et Benoît sera en pleine forme, ben là, on ramènera. Je ne veux pas voler de poche. Il y aura un beau débat. Oui, c'est ça. Tantôt, on va en reparler plus profondément. Moi, je voudrais donner le crédit à deux personnes durant ce match-là. Là. Premièrement, c'est toute l'équipe, toute la O-line de Laval, dans le fond. Puis je veux rien enlever à Pierre-Luc Liao, mais écoute, tous les jeux au sol, la ligne d'engagement est rendue Saint-Verge en avant quand que Yao arrive au point d'attaque. Moi, c'est ce que j'ai vu pratiquement à tous les jeux. Quel travail. Puis en défensive, plusieurs joueurs sont démarqués, mais moi, j'ai remarqué énormément le travail de Rudy Jean. Des fumbles forcés, plusieurs pressions, plusieurs poursuites. Ce gars-là aussi, je pense qu'il en était à son dernier match au Peps, puis il voulait que ça paraisse. Ah, oui, puis Rudy a pratiquement pas joué de l'année aussi, fait qu'il y a de l'énergie à revendre, il a envie, il a le feu dans les yeux. Il rattrape le temps perdu. Lui, exact, oui. Une chose qu'on remarque aussi, là, quand je regardais les statistiques, une chose qui m'a frappé, c'est que Sanchez a utilisé 8 receveurs. Compte tenu que le meilleur receveur de l'an passé, Matt LeBlanc, n'est pas là. Et que le meilleur receveur de cette année, Fioli, n'est pas là. 8 receveurs. On parle de profondeur. Ouais. C'est... Oui. Effectivement. Mais ça augure bien pour le prochain match. Ah, absolument. Puis pour le prochain. Aussi, juste. En tout cas, moi, j'ai un. si j'avais une autre étoile à donner pour ce match-là, là, coller une petite étoile dans son cahier, là, Christopher Milo. Encore une fois, il bottait des fusées, c'était extraordinaire. Oh, le jeu du positionnement sur le terrain, c'est impressionnant. Ce qu'on a l'habitude de perdre contre Concordia. Ben oui, parce que justement... Quand Concordia avec Birkdale's, là, c'était comme... On oublie ça. Là, mais, oui. Voyons, celui qui était là présentement... en tout cas, je veux dire, on a eu un vrai beau duel de vrais botteurs. Ouais. De Concordia, c'était vraiment, tu veux dire? Oui, ben oui. Paradise. Oui, c'était vraiment, vraiment. Moi, j'ai adoré ça. Je veux dire, c'était le fun. Parce que ça se passait plus juste en défensive puis en offensive, mais c'est qu'en plus, les unités spéciales ont ajouté beaucoup à la game. Ben, si Concordia a réussi à faire 314 verges de gain et pas marqué. Autant que ça, pas marqué, tu sais, seulement que marqué un touché, là. De Courtoisie. Oui, de Courtoisie, exactement. Merci parce d'être venu. Il y avait beaucoup de terrain en avant d'eux autres. Exactement, il y avait toujours du terrain à remonter. C'était monumental. Ah non, Chris a eu un fort match. Bravo, Chris. Hey, je veux quand même qu'on se garde un peu de salive, là. Je sais pas pour conclure si vous aviez vraiment un autre point que vous vouliez amener sur cette partie-là. Parce que personnellement, je trouve que ça a été. Moi, en tout cas, ça a été la meilleure que j'ai vue de Laval cette année. Intensité, peut-être pas d'accord, mais... Moi, j'ai un point. 60 minutes d'intensité des joueurs de Laval. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai adoré. Oui, puis c'est drôle parce que évidemment l'intensité était revenue souvent dans les médias précédemment le match. Évidemment, il y a eu le toucher. Mais oui, ça a été 60 minutes d'intensité où jamais Laval a baissé les bras. Puis même une fois la victoire acquise, je veux dire, ils ont continué à travailler fort. Tout à fait. Quatrième quart. Moi, j'ai une certaine inquiétude que Concordia a mis au grand jour. C'est sûr que ça relève beaucoup des qualités athlétiques de Liam Mahoney, mais la défensive de Laval a eu beaucoup de difficultés d'arrêter le jeu d'option. On tentait de contenir le corps arrière en venant par les flancs, par l'extérieur, le corps arrière s'en venait à l'intérieur ou vice-versa. Comme je disais, ça relève beaucoup des qualités athlétiques de Liam Mahoney, mais je pense qu'il va falloir que Laval pratique ça dans les pratiques. Je ne sais pas c'est quoi la mobilité du corps arrière de St. Mary's, mais j'ai peur qu'il y ait une faille qui ait éclaté au grand jour. Quoique dans le football universitaire américain, on voit beaucoup de jeux d'options. Football universitaire canadien, on commence à le voir, puis ça peut devenir une autre facette de jeu là, pour laquelle il va falloir se prémunir. Je pense que Charlot veut renchérir là-dessus. Je te laisse aller, Charlot. Ben, on en a parlé d'ailleurs d'un point de presse avec Marc Fortier, puis il comparait justement Glavec de St. Mary's avec Liam Mahoney. C'est deux corps arrière extrêmement mobiles, mais comme il disait, Glavec est du genre à se promener S-Ouest pour gagner du temps pour trouver des receveurs, tandis que Mahoney, lui, est court nord-sud, exactement, pour gagner du terrain. Donc à ce moment-là, je pense que ça va être beaucoup plus facile à Laval de s'adapter à ce jeu-là S-Ouest. Ça, justement, on va continuer à en reparler. On va quand même faire. Là, on va prendre la peine de faire une petite pause. Je sais que tout le monde a leur bière. Leur bière d'ouverte. Mais quand j'ai même, envie. On a quand même besoin de faire une petite pause pour se relaxer. Là-dessus, mon Charlie, je te laisse présenter la prochaine toune. Yes, ben encore une fois, merci aux gars de Third Pole de nous accueillir dans leur magnifique studio avec notre nappe avec des fruits. Je vais prendre mon bec tantôt. Alors, on va écouter IKEA. Comme on va détruire St. Mary's en morceaux, prochaine game, IKEA, je pense que c'est la bonne tune choisie. La pièce détachée. Alors, IKEA. encore une fois, en musique, nos chums de Third Pole avec IKEA. Si vous aimez ce que vous avez entendu, www.myspace.com/thirdpole. Venez sur le site aussi, le lien y est. Si vous avez envie d'avoir un CD, faites-nous signe, on va vous arranger ça. Avant de poursuivre, évidemment, dans un sujet plus constructif, je veux passer dans ma petite portion tailgate. Évidemment, dans le tailgate, il y a bien des choses qu'il faut penser. Évidemment, il y a ses outils de barbecue, il y a le barbecue en tant que tel, préparer son menu. Mais il y a un élément majeur que la plupart des gens ne pensent pas à apporter. Puis c'est, en bon français, c'est sa drill électrique. Puis je parle de la drill électrique. Là, je sais que, bien, évidemment, tout le monde trouve ça rigolo, là, mais... Ça, écoute, les utilités d'une drill électrique, là, c'est fantastique. Premièrement, raconte-moi ça parce que moi, ça m'intrigue. Ça t'intrigue, hein? Premièrement, on a eu des temps de grands. Oui, je sais, beau, tu me dis une perceuse, mais c'est parce que je veux être sûr que tout le monde comprenne. C'est la drill, on est dans un tailgate. Un mouen. OK, ça, c'est correct. Puis, encore là, il faut que ça soit à batterie, hein? Parce que la première des choses à laquelle ça va nous servir, c'est qu'évidemment, si on a une tente, on a eu des grands vents de ce temps-ci, bien évidemment, ça vous permet de mettre des bonnes vis de 3 pouces dans l'asphalte. Ça, c'est une chose. C'est-tu autorisé par le PEPS? Bien, il y a des choses qui ne sont pas autorisées puis qu'on fait pareil. On va continuer à le faire, OK, tant qu'ils ne nous écoutent pas. L'autre chose, bien, vous n'avez pas de tourne-broche. Bien évidemment, vous allez pouvoir tourner votre poulet avec ça. Très utile. Tourner le poulet 10 000 tours minute. Non, mais écoute, il faut que t'en prennes une avec une vitesse réglable. Ce que je te dis, c'est pas nono, là, toi. Là. L'autre chose, c'est qu'il faut déjeuner le matin. Le déjeuner, là, c'est œufs, bacon, toast, les petites affaires de main. Mais vous voulez faire des crêpes, mais vous remplacez évidemment la mèche par un batteur. Par un batteur. Évidemment, à 10 000 tours minute, tu peux être sûr que tes crêpes vont monter en mousse, ça sera pas trop long. Mais le 10 000 tours minute, il sert à une chose vraiment particulière. C'est vendu sur tailgating.com. C'est un espèce de petit... un genre blender, un concasseur pour faire des margaritas. Fait que tu mets ça direct sur ta drill. Tu fais des mix. Yes. Fait que ça, c'est le petit item. Encore là, s'il y a quelqu'un qui l'achète, qui l'essaye, là, appelez-moi. Je vais aller regarder ça durant le tailgate. Bon, ça, c'était pour la portion... Plus smooth un peu, là, on va passer aux choses plus sérieuses, c'est-à-dire la prochaine partie. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de gagné encore. Hein. On parle beaucoup de la Coupe Vanier, mais c'est pas gagné. Parce que là, Laval, cette fois-ci, va aller jouer à Halifax contre St. Mary's, les puissants St. Mary's. Puis un peu comme le titrait aujourd'hui RDS, bien évidemment, c'est rendu un classique. Parce que ça fait des années, ça va être la 9e fois que les deux équipes vont se rencontrer. Moi, j'ai envie de commencer aujourd'hui par David. Voir David, je veux savoir toi quel genre de partie tu t'attends contre les puissants. Il y a une vraie rivalité qui s'est installée hein, ces deux clubs-là hein, avec les années. Puis je pense que St. Mary's ont une espèce de ont un honneur à défendre, ont une espèce de d'orgueil épouvantablement fort. Oui, puis c'est drôle parce que Glenn l'avait déjà soulevé quand St. Mary's était venu. Il dit que les équipes des Maritimes avaient un certain sentiment d'infériorité. Puis je pense que oui, tu as raison. Ils vont vouloir le démontrer que ce n'est pas le cas. Mais je pense que St. Mary's, ils ont une fierté inhérente à affronter le Rouge et Or. Personnellement, puis là, je ne veux pas déborder. Là, à peu près le meilleur match que moi, personnellement, j'ai vu au PEPS, là, c'était St. Mary's Laval il y a 5 ans, 4 ans ou 5 ans environ. Là. Il me semble que c'est 2002 quand il avait perdu 26-24. Oui, oui, c'était vraiment un bon match, là, malgré une défaite. Si je ne me trompe pas. Là. Puis pour moi, ça va être dur d'analyser ces matchs-là parce que St. Mary's, je ne les connais pas du tout. Puis j'ajouterais cependant qu'encore là, puis je vais garder mes propos là, avec ce que Laval nous démontre, s'ils sortent leur partie A, leur A-game, ils sont pas arrêtables. Mais ça d'ailleurs, beau toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si t'as relevé des points particuliers, entre autres, que Laval va devoir... Moi, je trouve que le match en fin de semaine est une très belle pratique parce que, justement, le gros morceau de St. Mary's, c'est Glavik, leur corps arrière très, très mobile. Malgré, je trouve ça intéressant ce que tu avançais tantôt, Charlie, là, qui court plus est-ouest plutôt que nord-sud. Mais quand même, je sais que c'est si on arrive à mobiliser Glavik, St. Mary's ne peut strictement rien faire. Ils vont courir, ils vont faire du jeu au sol, impossible. On court pas au sol contre Laval. Ah, Lambala va essayer encore un peu de courir au sol, mais pas. Mais ça marche pas. Ok, c'est voué à l'échec à mon avis. Okay. Mais Laval avait bien fait le travail, d'ailleurs, en deuxième demi contre St. Mary's. Oui. C'était bien ajusté avec la ville. Exactement. Ça, c'est un bon point. Je pense qu'on peut que la défensive va s'adapter. Ils connaissent déjà ce gars-là. Ils savent qui il est. Ils vont regarder les vidéos. Ils vont s'adapter à ce gars-là. Et je pense qu'il va faire du bon travail, mais il ne dominera pas et il ne brisera pas Laval. Ça devrait être beaucoup plus dur pour lui de dominer Laval. Mais ça... l'autre point, excuse-moi, l'autre point, les blessés qui étaient là contre St. Mary's. Mais c'est ça, c'est pas du tout la même équipe. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du tout la même équipe. Ce que St. Mary's va rencontrer aujourd'hui, c'est l'équipe A de Laval. À la dernière partie, Charlot, je sais que tu peux en parler, mais je pense qu'on avait 11 ou 12 blessés. Là, dans on avait 11 partants sur 24 qui n'étaient pas là. C'est pratiquement la moitié de l'équipe. C'est comme s'il te manquait ton offensive, dans le fond. C'est surtout des joueurs en défensive qui étaient absents. Plusieurs, dont deux joueurs de ligne défensive. Oui, ouais, c'est un mix de tout, encore, c'est sûr. Kelly Hiller aussi qui n'était pas là. Donc, il manquait vraiment des gros noms. Yao n'était pas là. Luc Brodeur non plus n'était pas là. Gros, Matt Leblanc. Exact, c'est beaucoup je trouve que la liste est longue. La liste est longue, puis il y avait eu un super match quand même. Moi, Meilleur-Jean aussi n'était pas là. Oui, Meilleur-Jean aussi qui s'était blessé contre Montréal, malgré que c'est une recrue, là, avait joué un fort match. Mais deux points, moi, contre St. Mary's, qui risquent peut-être de jouer contre Laval à ce moment-là. C'est la première fois que Laval va vraiment jouer dans un environnement hostile. St. Mary's, les fans de St. Mary's sont très forts, sont cinglés. Regarde, on ne se le cachera pas, c'est pas en allant. Concordia, c'est pas en allant. Il y a Sherbrooke qui ont des grosses foules. Montréal. C'est pas une foule hostile à Sherbrooke. Non, mais tu sais. Ils sont capables de faire du bruit. Excusez-moi, les fans de Bishop sont vraiment cinglés. Là, rester accrochés après cette équipe-là, avec les années de misère qu'ils ont eues, ils sont cinglés. Mais à 300 fans. Oui, ils sont fans, cinglés, mais ils sont 500. C'est ça, tu sais. Oh, oui. Sherbrooke sont plusieurs, mais c'est pas la même chose. C'est sympathique, Sherbrooke. À la limite, t'as ton gilet de Laval, puis tu te feras pas apostropher pas une seconde, tu vas être quasiment un héros. Là. Oui, mais en même temps, je veux dire, la foule est quand même d'interférer dans la partie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de crier, oui. Ce qui va être la même chose avec les Huskies. Et St. Mary's. Parce que je sais pas, ça va être quoi la foule là-bas, mais je veux dire, je pense qu'on peut s'attendre à une belle foule. Il va y avoir du bruit, il va y avoir du monde qui justement sont... Écoute, c'est les meilleurs partisans que j'ai vus cette année au tailgate. Absolument. Ça a été parmi les meilleurs, je dirais, dans la foule aussi. Là. Ils viennent sur Laval Fans. Oui, entre autres. Ben oui, effectivement, on a la présence de spots de presque de façon hebdomadaire maintenant. Puis Big Jack. Big Jake, oui. Big Jake. Mais donc, premièrement, l'environnement hostile, justement, qui va jouer probablement contre Laval. Et l'autre point qui peut jouer contre Laval, je ne m'en souviens plus. Moi, je vais avoir un point. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important. On peut-tu juste continuer sur l'environnement hostile? Ah oui. Excuse-moi, je veux juste rajouter un point parce que... Puis je vais parler d'environnement moi aussi, vas-y. OK, bon, mais c'est parfait. On est tous des verts. mais tu dis on n'a jamais joué contre un environnement hostile. Je trouve que, justement, l'année passée contre Saskatchewan... Veux-tu avoir pire que ça? Non, cette année. Cette année, je suis d'accord. Cette année, on n'a pas joué dans un environnement hostile. Il y a plusieurs recrues qui jouent, mais quand même, les gars, ils s'en souviennent de ce qu'ils ont fait l'année passée. Là. Absolument, mais César, on n'a pas joué dans un environnement hostile encore. C'est un gros point. David, tu voulais en rajouter sur l'environnement? Extrêmement important que Glenn ne laisse pas ses joueurs aller à la Alexander Keats Brewery à Halifax dans les jours qui vont précéder le match. All you can drink en 30 minutes, là, ça fait mal. En passant, c'est vraiment le fun à visiter. J'essaie de retrouver mon point. Je sais, Charlot, que tu travailles fort pour retrouver ton idée. Écoutez, moi, je pense que d'une certaine façon... On connaît les joueurs présents qui vont être là, les Glavik, les Lumbala, les Hardwick aussi, qui est un receveur étoile qu'on a trop tendance à oublier parce que le jeu n'est pas juste au sol avec Glavik, bien entendu. Oh, là, Charles-Éric, je vais voir une petite étoile s'allumer. Je l'ai retrouvé. Faut pas oublier aussi, on a joué beaucoup de matchs contre St. Mary's, mais jamais Laval a déclassé St. Mary's. St. Mary's a déjà déclassé Laval, 48-8, jamais Laval a déclassé St. Mary's. C'était dans une demi-finale, d'ailleurs. Absolument, c'était dans une demi-finale avec Mathieu Bertrand. Ça avait déjà passé très proche que Laval déclasse St. Mary's. C'était un match à Halifax, mais St. Mary's était revenu très fort en deuxième demi, puis finalement, le match avait été chaud, mais grâce à ça... Et puis, je ne suis pas capable de me rappeler le résultat final, mais... C'est vrai que tu as raison. Halifax était revenu de nulle part. Out of nowhere. Absolument. C'était le match des alumni. Là. C'était le comeback. Là. Ouais, le homecoming. Le homecoming. Je pense que c'est le match où Miguel Robédé avait été suspendu. Où il n'avait pas été dans le match. Une question de discipline. Mais ça laisse quand même présager des belles choses pour la partie. Parce que, dans le fond, St. Mary's, on les connaît quand même peu. De toute façon, puis tout est toujours possible. Pardon? De toute façon, on ne parle plus des mêmes équipes. Non, on ne parle plus des mêmes équipes, mais n'empêche que c'est un peu comme la semaine passée avec Concordia. Je veux dire, on parle de Jerry McGrath qui a réussi à avoir des équipes toujours un peu extraordinaires. L'an passé, St. Mary's a eu une très mauvaise saison. Cette année, ils reviennent. C'est les St. Mary's qu'on a déjà connus. Pourtant, c'est quand même un coach qui est différent. Ah, c'est ça, c'est plus Blake Neal qui est à St. Mary's. Non, il est là depuis... en fait, c'est la deuxième année de... En tout cas, je veux pas montrer mon ignorance, mais effectivement, c'est leur nouvel entraîneur qui fait un excellent travail parce que justement, cette année, en fait, ils ont perdu, je crois, c'est au total une dizaine de joueurs seulement. Donc, on a gardé le même noyau de l'équipe de l'année passée. C'est une équipe qui est beaucoup plus, qui sait plus où elle s'en va. Mais en même temps, c'est que St. Mary's est toujours une équipe qui est difficile à affronter. Ça, c'est pour le match St. Mary's contre Laval. Évidemment, dans l'Ouest, il y en a un autre qui va se passer, qui va être les Bisons contre Western. Les surprenants. Western. Surprenant parce qu'ils ont commencé avec une fiche beau orient. Il y avait 0-4. 0 victoires, 4 défaites. Ils sont venus en gagnant les 4 derniers matchs, qui n'étaient pas nécessairement contre des grosses équipes. Et puis, on est sorti tour à tour. Réussir à sortir de l'Ontario, c'est un coup de maître. C'est ça l'exploit, parce que de réussir à battre. Ils ont battu les GGs, je pense que c'était tout de suite en partant. Non. Ils ont commencé par Queens, je me souviens bien. Oui, on a commencé par Queens, puis après on a terminé Ottawa, puis Guelph. Écoute, quant à moi, ça tient déjà de l'exploit. Moi, j'ai quand même envie de vous poser la question, là, si vous aviez. Évidemment. Pardon, on veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non? Mais si Laval passe au travers de la demi-finale, qui aimeriez-vous plus rencontrer entre les Bisons puis Western? Tu parles de mon cœur ou de mon esprit? Écoute, c'est deux choses totalement différentes. Parce que écoute, mon cœur, ce serait j'aimerais ça affronter Western à Coupe Vanier. Parce que c'est l'équipe qui a le plus de Coupe Vanier dans l'histoire de la Coupe Vanier. Et puis, j'aimerais tant les battre à la Coupe Vanier. Ça serait merveilleux. Mais pourquoi ton esprit, lui, te dit... Je pense pas que Western va être capable de compétitionner. Même si on a battu Ottawa, on peut battre deux équipes, trois équipes. Mais à un moment donné... Il faut être capable de se battre. C'est ça. Là. Mettre un genou au sol à un certain moment donné. Charlie, il m'en a fait pas mal. Ben aussi l'aspect légende un peu de Western, mais une des raisons. Moi personnellement, je vais vous dire, j'aimerais bien aller battre les Bisons. Tant qu'à se battre contre quelqu'un, j'aimerais bien aller me battre contre les meilleurs. Comme Philippe m'a dit, si gentiment un jour à vaincre sans péril, on joue contre McGill. Donc j'aimerais bien. Je me souviens plus c'est qui avait sorti. C'était moi. Donc non, franchement, j'aimerais ça aller battre les Bisons, mais aussi j'aimerais beaucoup voir Western arriver à la Coupe Vanier. Pour deux choses. Premièrement, parce que c'est un peu une équipe Cendrillon qui se retrouverait à la Coupe Vanier. Deuxièmement, c'est une équipe de l'Ontario. Ça va amener beaucoup, beaucoup de gens à la Coupe Vanier. Ça va avoir une visibilité, là, ça va avoir un impact qui va être complètement différent. Mais idéalement, j'aimerais aller battre les meilleurs, j'aimerais aller battre les bisons. Et toi, David, si on te pose la question? John Mackey, ça serait le fun de le voir à Coupe Vanier. C'est un gars qui a une belle carrière universitaire. Puis, ça serait le fun de voir les bisons, moi aussi. Moi, en tout cas, j'avoue que je suis un peu comme Charlie. Là. C'est le côté légendaire de Western. Là. C'est le côté que j'aimerais bien. Ils ont 6 Coupe Vanier. Je sais pas, il me semble que... 611. Ça serait bien que Laval réussisse. Ça serait merveilleux. Mais honnêtement, je pense pas que Western va passer Manitoba. Ben, ça risque d'être dur, c'est évident. Ben, jouer dans l'Ouest, on l'a vu l'année passée. On l'a vu il y a 2 ans. C'est pas facile. C'est un gros game. Contrat là, que exact. Western a en fin de semaine. Et mais s'ils sortent Manitoba... Là, ça va les rendre particulièrement dangereux. Effectivement. Ils ne seront pas négligés. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va regarder ce match-là. Franchement, là, je pense que les téléviseurs vont rester allumés pas mal longtemps sur RDS après le match. Oui. Mais là, on va être gâtés d'ailleurs. Hein, parce qu'on va avoir les deux sur RDS. Puis je présume aussi pour les gens qui ont de score, ça va être la même chose. On va être peut-être pas voir la game. Ah oui, encore là, de score oui, risque de les présenter sont... aussi la portion Laval. Effectivement. Mais bon, effectivement, on n'a pas les papiers. Moi, je veux continuer sur un autre sujet. Évidemment, c'est un sujet qu'on a discuté beaucoup sur les forums, qui en même temps, c'est un sujet qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure en parlant de la partie Concordia-Laval. Sur le forum, c'est Mammouth, en fait, qui a abordé la question à savoir qui on habillerait à la prochaine partie. Si Grou est en pleine forme, est-ce qu'on habille César ou est-ce qu'on habille Grou? Ou bien, est-ce qu'on habille les deux? Puis on les fait jouer chacun leur demi. Ça, je suis particulièrement curieux de vous entendre là-dessus. Je ne sais pas qui ose se prononcer en premier. Là. Ben, je vais y aller. Je te laisse y aller, mon beau. Je pense qu'on est obligé de continuer avec César parce que Grou, ça fait quand même... Il n'a pas joué depuis... Un mois et demi, donc ça fait un mois et demi. On n'a pas le choix d'y aller avec César. C'est César qui avait joué contre St. Mary's? Non. Oui. Tout à fait. Oui. La seule chose, César, je trouve qu'il est moins performant sous la pression que Grou. Si ça s'en venait chaud, puis que Grou était en pleine possession de ses moyens, j'hésiterais. Je ne saurais pas quoi faire. Sachant très bien que Grou, on l'a vu, il y a 2 ans, est capable de remonter son équipe. Il est capable de remonter son équipe. Je pense que Grou est un bon point là-dessus. Toi, David, je vais te le demander, mais je pense qu'avec ce que tu viens de dire, j'ai déjà une bonne idée de ce que tu vas nous répondre. Le gars, il a vu la défensive. Moi, je dirais avec César. Puis vraiment, il faudrait que Benoît soit vraiment en forme. Puis si vraiment il y a du beaucoup, beaucoup de cafouillage, ben là tu fais un switch, peut-être à demi ou quelque chose comme ça. Mais tu startes le carrière qui t'a amené là. Puis toi, Charlie, je veux t'entendre là-dessus parce que je pense qu'on doit partager à peu près la même opinion. En tout cas, je pense bien, là. Tu oui. irais comment, toi? Moi, César, c'est pas mal mon coup de cœur de la saison jusqu'à maintenant. Là, notre petit Mexicain, on a été gâtés en choisir des joueurs au Mexique. Par son caractère, par son tempérament aussi, par son plaisir du jeu. Mais aussi, écoute, le gars nous donne des performances, il nous fait gagner des matchs. Il a appris à gagner, il a appris à bien jouer. Pression, je pense qu'il en a vu déjà avec Concordia. Il a fait des grosses games jusqu'à maintenant. Le gars est vraiment en mode compétition. Il est bien parti. Benoît, malheureusement, a été blessé à plusieurs reprises cette saison, une blessure à la cheville qui l'a fait très mal. Ça fait longtemps qu'il n'a pas touché le ballon, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de jeu. Allons avec le gars. Et moi, César, si on peut le garder jusqu'à la vanille, gardons-le jusqu'à la vanille. Si ça se met à mal tourner, on peut ramener Benoît, mais il va falloir qu'on fasse du gros travail avec Benoît pour pouvoir le ramener éventuellement. Mm-hmm. Moi, dans le fond, je suis pas mal d'accord avec ce que vous avez dit. Peut-être à la nuance près que moi, je suis totalement d'accord pour démarrer avec César. Puis, advenant le fait où la partie se déroule bien, un peu comme David disait, d'embarquer Benoît pour autant peut-être le roder un peu plus. Puis évidemment, pour peut-être démontrer qu'on est capable de mélanger les cartes à la Coupe Vanier. Puis c'est peut-être là-dessus, moi, que je me dis ça peut être un point intéressant à jouer avec ça, parce qu'on a la chance d'avoir deux corps exceptionnels qui ont vraiment une facette de jeu un peu différente. Chacun a amené des choses, a présenté des choses différentes. Je me dis, si on peut réussir à avoir un match qui nous permet d'embarquer les deux corps, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va pouvoir setter les pions pour la Coupe Vanier. Absolument, parce qu'en plus, ça va être deux équipes à la Coupe Vanier qui n'auront jamais joué l'un contre l'autre. Là. Donc, ça va être encore plus plaisant à brouiller les cartes à ce moment-là. Si on a la chance d'embarquer Benoît sur le jeu, allons-y pour lui donner un peu de répétition. Le gars a besoin de se remettre un peu en mode compétition aussi, là, mais allons-y avec César. Donc, on va être bien gâtés. Puis ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va suivre le fil de la conversation sur... Internet, on va voir ce que les gens pensent. Puis pour l'instant, ça me paraissait assez partagé aussi au niveau des opinions. On va conclure là-dessus la portion pour le match de St. Mary's contre Laval. On va continuer un petit peu avec David, un petit peu. Comment dire, un petit peu. On va y aller avec la portion NFL qui, je sais, est en train de gagner en adepte. Moi, en tout cas, ça me gagne en adepte. Yeah. Je vais te parler de la débandade du côté des corps arrière de la NFL présentement. Là. Ce matin, là, quand je me préparais, Brody Croyle, pour les Chiefs de Kansas City, était annoncé comme partant. C'était le 51e partant cette année dans la NFL. 51e corps arrière partant. Je sais pas pourquoi j'ai eu pas dans l'équipe, là, mais 51e corps arrière partant dans la NFL cette année. Il y a 32 équipes. Puis là, au cours de la journée, les Dolphins ont annoncé qu'ils allaient remplacer Cléo par John Beck. Puis ça serait pas surprenant de voir Jamarcus Russell comme 53e arrivé du côté des Raiders aussi. Là, fait que du côté de la NFL, là, Benoît Groulx et César Sanchez restaient pas loin du téléphone pour y avoir un appel des Panthers. Les Panthers de la Caroline. En tout cas, je vous le souhaite. Maintenant, justement, parlant des Dolphins, juste une anecdote comme ça. J'aime bien gros revenir là-dessus. Sports Illustrated, qui a perdu toute crédibilité il y a 2 ans, avait annoncé que les Dolphins avaient prédit les Dolphins comme champions du Super Bowl. Les Dolphins, depuis ce temps-là, sont 6 victoires, 20 défaites. C'est pas de bon. Ouf! Sports Illustrated avait sorti ça? Oui. C'était basé sur quoi? Ouais, c'était leur preview de l'année 2006, là, de l'année passée. Là. C'était pas le temps que Dante Culpepper... non, Culpepper... Oui, c'était avant la première saison de Culpepper. C'est ça, hein? Ouais. OK. Et ouf. Il avait fait peut-être. Puis c'est l'année où Ricky Williams est parti à Toronto. Que Ricky aussi. Williams, c'est ça, est tombé durant. D'ailleurs, Ricky Williams, aujourd'hui, on a appris qu'il pouvait recommencer à jouer. Sa suspension est déterminée. Ouais, pratiquer avant de rejouer. Bouf. Ça donnera ce que ça donnera. Mais, sérieusement, est-ce que toi, tu penses qu'ils vont le réembarquer Ricky Williams? Bientôt, ouais. Non, ça ne rejouera pas au football. Hein. Non. Je reviens sur deux matchs en fin de semaine qui m'ont particulièrement marqué. Premièrement, Saint-Louis à Nouvelle-Orléans. Première victoire en saison régulière pour Saint-Louis cette année. Ils ont battu les surprenants Saints là, qui semblaient ressusciter. Puis à la minute que l'attention médiatique se tourne davantage vers eux, ben là, ils se dégonflent. Mais moi, ce qui m'a particulièrement charmé dans la victoire des Rams, c'est qu'ils ont volé une page du playbook du Rouge et Or. Formation à deux tight ends, deux alliés rapprochés, un porteur de ballon. Ce que Laval a fait abondamment contre Concordia, particulièrement ses jeux au sol. Puis ça a fonctionné pour Laval, ça a fonctionné pour Saint-Louis aussi. L'autre match, Indianapolis à San Diego, que je vous avais parlé la semaine passée. Je dirais que les Colts se sont battus eux-mêmes. Ils ont donné 2 touchés à San Diego sur les unités spéciales, des retours de beauté. Puis Peyton Manning, 5 interceptions en première demi, 6 pour le match au total. En première demi, ce qui était différent, c'est beaucoup de pression sur la ligne primaire, donc c'est la ligne offensive, beaucoup de pression sur Peyton Manning. Je pense qu'encore là, San Diego puis Nouvelle-Angleterre l'ont fait la semaine d'avant. On relevé la faille des Colts, puis je pense qu'ils ont énormément de travail pour aller... Mais les Colts aussi, il ne faut pas oublier qu'il leur manquait un gros receveur. Il leur manque Marvin Harrison. Il leur manque Tony Hugo sur la ligne offensive, le left tackle. Pour un carrière qui est droitier, le left tackle, c'est son pilier. Hein. Puis Saturday a beau être bon, il peut pas tout faire. Là. Puis ils ont perdu Dwight Freeney, probablement pour le reste de la saison. C'est vrai. Les Colts, ça va très mal. Ça faisait longtemps qu'on avait vu Peyton Manning avec le caquette aussi bas. Excellent point, Charlot. Je sais pas si tu as vu la face quand Vinatieri a raté le placement. Je reviens juste pour toi, Philippe. C'était 23-21 en fin de match. On peut gagner avec un placement, pour mettre ça 24-23. Un placement de 29 verges d'Anam Vinatieri qui est un potentiel Hall of Famer. Qui est un pied sécure. Ouais, c'est ça. C'est un clutch kicker. Placement de 29 verges, les odds à Vegas sont à 100 contre 1 là-dessus. Là. Puis Adam l'a raté, t'aurais dû voir la face de Peyton Manning. Ah, ça valait 100 pièces. Pauvre Peyton. En tout cas, tout ce que j'ai vu de la partie, ça a été plus au niveau des highlights le lendemain, dans les faits saillants. Ce que j'ai remarqué, c'est la défensive de San Diego. Plusieurs interceptions très spectaculaires. Spectaculaires. Je veux dire, au possible, c'était... En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était 3 jeux de la semaine. Ça m'a frappé, j'ai fait « wow ». Ah oui. Des fois, on dit que les demi-défensifs n'ont pas de main pour attraper le ballon. Mais c'est pas ce que j'ai vu. Monsieur Cromartit. L'interception d'une seule main. Là. Ah oui. Ouf. C'était quelque chose. Hey, je te laisse continuer. Excuse-moi, je veux pas t'interrompre. Je veux juste parler de la semaine 11 qui s'en vient. Cette semaine, c'est fini les bye week, les semaines de congé. Donc, pour le reste de la saison, on va avoir toutes les équipes. Deuxième chose, puis ça me fait tout le temps un petit chaud au cœur la semaine 11, c'est que à partir de la semaine prochaine, c'est le Thanksgiving aux États-Unis. On va avoir du football le jeudi, à toutes les semaines jusqu'à Noël. Donc, c'est très plaisant. C'est comme un cadeau avant Noël. Je suis content que c'est la natation à ma blonde le jeudi. moi, j'allais dire, on le dira pas à ma blonde. Okay. Je pensais que tu as regardé Poupée Russe, Charlot. Bon, alors, on revient. Je vous présente mes 4 choix pour cette semaine. Cleveland à Baltimore. Cleveland, 5 victoires, 4 défaites. Affronte Baltimore, 4-5. Dans le fond, la grosse question qu'on se pose, bon, Cleveland revient d'une défaite difficile contre Pittsburgh. Et ça a été très serré. Mais Baltimore sont en chute libre. Ils vont être à domicile. Puis... s'il y a une défensive contre laquelle ils peuvent réussir finalement à marquer des points, c'est bien la défensive de Cleveland. Alors, ça va être un match intéressant. Le prochain match, San Diego à Jacksonville. San Diego 5-4 à Jacksonville 6-3. C'est deux équipes qui sont dans le mix, dans le mélange pour une place en série pour les wild cards. Puis même avec ce qui se passe avec les Colts, potentiellement que Jacksonville peut encore gagner l'American Sud. Prochain match, les Giants de New York affrontent les Lions à Détroit. Les deux équipes sont 6-3. Les Lions, quelle belle équipe cette année. Super intéressant. C'est une belle surprise, les Lions, cette année, franchement. John Kitnell, le corps des Lions, lui, il l'avait annoncé au début de la saison. Il avait annoncé 10 victoires. Pour son équipe, pour une équipe qui, depuis plus de 5 ans, va de misère en misère. Depuis Barry Sanders. Depuis le départ de Barry, puis même quelques années, les dernières années de Barry aussi, là, je veux dire, il y avait juste ce gars-là dans cette équipe-là. Alors, est-ce qu'ils ont déjà eu une très bonne saison, même avec Barry? Ils en ont eu, mais pas tant que ça. Là. Quelques-unes. Là, je pourrais pas dire les années, 92, quelque chose comme ça. Là, c'était une équipe solide. Mais bravo aux Lions. Puis écoute, le décompte est lancé là, pour les 10 victoires de John Kitnell. On a déjà 6 d'amasser en 9 matchs. Fait que il va peut-être gagner son pari, le bonhomme. Finalement, c'est pas un match à surveiller. Mais les Patriots vont passer mes Bills dans le tordeur pour une deuxième fois cette saison. Les Bills qui sont 5-4, qui malheureusement seront 5-5 après la fin de semaine. Mais bon, on leur souhaite quand même de sortir pas trop éclopés moralement. C'est ça, moi, j'aimerais ça que tu te commettes quand même et que tu nous dises un score à peu près. Tu vois ça comment? T'as qu'à te faire du mal, là. Fais-toi mal comme il faut. Je dirais 38-7 lors du match la semaine 3. Là, j'irais pour... Écoute, l'équipe s'est quand même améliorée. J'irais pour un 38-10. Ouf. OK, ouf. J'y vais. Les Patriots, là, excusez-moi, je reviens là-dessus. Là. On dirait vraiment qu'ils sont en mission pour venger l'affront qu'ils ont subi au début de la saison. Ça va être dangereux, les Patriots, quand ils vont être rendus à 14 victoires parce que ils vont être assurés d'être à domicile pour le reste de la série. Puis les matchs ne voudront plus rien dire. À ce moment-là, ils vont jouer uniquement pour l'honneur. Ça peut devenir dangereux à ce moment-là, mais d'ici là, ils ne sont pas arrêtables. Ils sont pas arrêtables. Non. Moi, David, je suis curieux. Là, cette semaine, tu nous as donné tes prévisions, mais la semaine passée, tu nous les avais données aussi, je pense. Oui, j'avais pas. Ouais. Je pense pas que j'avais. Puis tu as été pas pire ou sur ça, toi, ce que tu avais pensé, c'était-tu pas trop mal? Quelqu'un qui a misé mise au jeu aujourd'hui, est-ce qu'il t'en veut? Qui a misé mise au jeu, il me semble que j'avais pas prédit d'équipe en particulier. Oui. Mieux comme vas-y, Charlotte. David Genette a fait une prédiction. Tu as dit que mes Bears allaient se faire passer sur le corps par les Raiders. Non, j'ai dit que ça allait pas être facile. On leur souhaitait des bonnes choses, mais que ça allait pas être facile. Puis finalement, on en a sorti haut la main à 17-10. Mais si je suis honnête, je pensais vraiment qu'Indianapolis allait défaire San Diego. C'est une surprise. Chicago, Oakland, j'aurais dit Chicago. Mais bon, puis ils l'ont réussi, 17-6. Puis on avait parlé aussi de... On avait parlé de Jacksonville, Tennessee. Mais bon. En tout cas, si cette semaine, il y a quelqu'un qui met de l'argent là-dessus, dites-nous là si vous avez fait un peu de sous, pensez à nous. On va te souhaiter un prompt rétablissement pour tes bills. Veux-tu que je me commette dans les matchs que j'ai présentés cette semaine? Non, moi, j'étais surtout curieux de savoir si tu avais... Si t'étais prêt à souffrir en parlant de tes Bills. Ah, c'est certain que c'est ça qui, moi... Prenez pas pour les Bills, à moins qu'il y ait un spread de 14 points, là... On approche de la fin, à un moment donné, il faut finir. Hein. Comme je disais la semaine passée, là, on est des bons bavards. Même si cette semaine, il nous en manquait quand même un solide, Mathieu, qui là, j'espère, nous écoute bien allongé dans son divan, puis qui se relaxe. Je le remercie, même s'il n'est pas là. J'avoue que sa présence a été grandement appréciée au cours des deux premières. J'espère qu'avec un peu de chance, on va même avoir l'occasion de peut-être de pouvoir retravailler avec lui là, d'ici la fin de la saison. Je sais pas, toi Charlie, tu avais peut-être un point à ajouter. Oui, absolument. Ben, avec le dernier match de la saison à domicile, le dernier match à domicile tout court de l'année, là, c'est terminé aussi. Le dernier tailgate en tant que tel dans le parking du Peps. Je veux remercier, c'était beau ça. Je veux remercier quelques gars c'est qui. C'est moi beau. Je veux remercier des gars qui nous ont reçus dans leur tailgate. C'est le temps des fusions. On a fusionné nos tailgates avec les fameux gars du charcoal, le char barbecue. Et je tiens à remercier des gars qui sont toujours là à partir du vendredi soir pour commencer à monter le matériel et à partir du samedi matin 5h là, pour commencer à bien se réchauffer. C'est vraiment impressionnant. J'ai été témoin là. Ah, franchement, là, on a un maudit beau setup puis j'adore la toilette des carabins. La carabole, exactement. La carabole. Merci beaucoup. C'est le ce que je cherchais. La carabole. Ouais. Alors, les gars que je veux remercier, ben Mathieu, Jesse, Mario, Yvan, André, Yvan qui est sur le forum sous le nom de Big Ben, Jean-Benoît aussi qu'on voyait régulièrement sous le nom de Umbro. Maintenant, il y a un petit, c'est plus difficile. Salutations à Antoine, salutations à la copine aussi, Marie de Jean-Benoît qui lui donne l'opportunité d'être là aussi. Juste, David, Antoine, le petit gars Jean-Benoît. Oui. Porte une bavette des Patriotes quand il boit son lait pour être sûr de vomir dessus. J'aime beaucoup ça. Salutations, les gars. Ça a été vraiment un plaisir. On a mangé comme des rois avec vous autres. On a été bien reçus. Moi, j'oserais dire qu'on a été les grands gagnants de cette fusion-là, Charles-Éric. On est passé de notre petite tente 10 pieds par 10 pieds, Canadian Tire, le format qui était correct. Là. On était très contents de notre setup cette année. Mais là, on vient de tomber vraiment dans un abri tempo, la grosse tente. Le barbecue. Deux barbecues, on a le barbecue du déjeuner, le barbecue du repas principal. Puis comme tu le dis, on a mangé comme des chefs. On a été accueillis comme... écoute, ça a été vraiment... Moi, j'ai adoré notre expérience avec eux, qui j'espère maintenant on va la poursuivre l'année prochaine. C'est un partenariat à long terme, Oui, c'est ça, on va signer ça, là, d'ailleurs, c'est bien important. Écoute, je te dis merci encore d'être avec nous, c'est la troisième. C'est toujours un plaisir, ces expériences. Je sais qu'on n'a pas prévu d'en parler un peu de scolaire, mais moi j'ai juste une question parce que ça va être Vanier contre le Vieux Montréal. Ouais. Je veux juste savoir si tu avais une préférence, ça serait qui? Si j'ai une préférence, j'ai pas vraiment de préférence. Peut-être plus pour Vieux Montréal. Oui, parce que c'est quand même. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Laval qui viennent de là. Exactement, c'est ça, on a un bon bassin. Là, oui. Vanier, j'ai rien contre eux autres, mais j'ai l'impression qu'ils vont gagner. En tout cas, je te remercie encore pour l'excellent travail. Pour moi. Oui, Charlie, juste lève la main. Parler de football scolaire, je veux juste souhaiter bonne chance à Marc-André Dion avec ses gars de Notre-Dame-de-Foy qui vont être au bol d'or dans le juvénile 2A en fin de semaine. Non, dans le juvénile, dans le collégial 2A. Hey. Excusez-moi. Hein, on l'a pas fait. Marc-André Dion, un ancien du Rouge et Or. Celle-là contre Sherbrooke. Là. Toi, David, écoute, je n'ai pas le choix. Hein. Merci. Infiniment encore pour autant le local que pour la technique. Aujourd'hui, c'est bien, tu as été tranquille au niveau de la console. Mais pour une fois, on était directement avec nous. Mais merci autant pour la NFL que pour les bons commentaires. Ah, c'est super. On est sur le pilote automatique maintenant. On s'en vient presque pas pire. Là. Moi, ce que j'ai hâte, par exemple, c'est que tu nous fasses goûter en onde un pâté d'oie ou quelque chose comme ça. Là, parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'en plus d'être un mordu de la... football, tu es aussi un grand chasseur. On ne fera pas une émission sur la chasse, là, mais je pense qu'on pourrait passer des heures à parler d'oies puis de canards. En tout cas, je vous remercie tous encore une fois. C'est toujours un plaisir. La semaine prochaine, évidemment, si Laval pulvérise comme on le souhaite cette pulvérise, ben on va encore se retrouver pour peut-être faire la dernière avant la Coupe Vanier. Puis je vous le rappelle, si vous n'étiez pas attentif au début, moi et Charlie, c'est certain, on est à la Coupe Vanier. On se prépare à aller avoir bien du plaisir. Donc, on va être là pour la couvrir, c'est certain, que Laval y soit ou non. Mais évidemment, on va espérer que Laval est là. Ils vont être là. Ils vont être là, ça, j'en suis sûr. Alors, je vous souhaite tous un bon match et à la semaine prochaine. Ciao.